Bonjour à toutes et à tous. La bibliothèque municipale est ravie de voir que beaucoup de monde s'intéresse à ce forum sur la démocratie que nous avons débuté déjà depuis vendredi, chaque fois dans un territoire différent et avec comme idée de développer ce que la démocratie a de... encore de potentiel pour nous, les nombreux potentiels qui existent pour de nouvelles formes de démocratie. Voilà. Alors, on remercie déjà, bien entendu, tout particulièrement nos deux partenaires, le Musée des Beaux-Arts et l'Opéra, qui ont accepté de recevoir ces conférences. La conférence que nous vous proposons aujourd'hui s'intitule « La démocratie à l'épreuve de l'histoire ». Avec Michèle Rio-Sarcey, historienne, et c'est Sophie Béroux, qui est sociologue, maître de conférence à Sciences Politiques Lyon 2 et au laboratoire Triangle, qui a accepté de à la fois présenter plus longuement Michèle Rio-Sarcey et d'être en quelque sorte discutante de cette conférence. Et nous les remercions toutes les deux de leur présence. Nous avons une conférence qui va durer à peu près 1h45 avec une partie, bien entendu, présentation et puis un échange avec le public. Et je vous rappelle aussi, comme dernière information, avant de laisser la parole à Sophie et à Michel, que la librairie de Sitre vous propose la vente des ouvrages des intervenants et intervenantes, mais aussi des ouvrages qui portent sur ces thématiques de la démocratie. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier Michèle Rio-Sarcey d'avoir accepté de venir aujourd'hui nous présenter un certain nombre de réflexions et surtout nous parler d'un de ses ouvrages, en particulier Le procès de la liberté, une histoire souterraine du 19e en France, qui a été publié en 2016. C'est un grand plaisir, un grand honneur de te recevoir aujourd'hui. Je vais prendre quelques minutes pour présenter Michèle Rio-Sarcey et puis vous dire ensuite un petit peu comment va se dérouler cette conférence, un peu les questionnements qui sont au cœur de la conférence, et puis il y aura une petite originalité dont je vais parler après. Alors, juste pour te présenter en quelques mots, tu es historienne, professeure émérite d'histoire contemporaine, d'histoire du genre, à l'université Paris 8, Saint-Denis. Tu as donc beaucoup contribué au travers de tes travaux à explorer et à comprendre le politique, hein, comment se saisir du politique, comment explorer cette notion. Et puis tu as beaucoup contribué aussi au travers de tes travaux, et c'est en lien à l'histoire du féminisme, hein, et aux enjeux autour du féminisme. Donc parmi quelques ouvrages, je n'en citerai que quelques-uns, l'histoire du féminisme, c'est un repère publié à La Découverte qui personnellement me sert beaucoup, par exemple, dans les cours. La démocratie à l'épreuve des femmes, trois figures critiques du pouvoir, 1830-1848, publié en 1994 chez Albin Michel. Et puis, tu as beaucoup travaillé également sur ce qu'on peut appeler le moment 1848, même si ça s'étend bien avant, en amont de 48, aux années 1830, à toute l'ébullition intellectuelle, politique, sociale, au travers de ce que Marx et Engels appelaient le socialisme utopique, mais c'était dépréciatif, et tu as contribué avec d'autres à revisiter, hein, justement, ce qui marque cette période. Tu as publié notamment 1848, La Révolution oubliée, avec Mauricio Gribaudi, en 2008, hein, et puis donc cet ouvrage, Le procès de la liberté, une histoire souterraine du 19e siècle en France. Alors tu t'intéresses tout particulièrement à ce que représente ces utopies, notamment au travers de la liberté, cette aspiration à la liberté individuelle et collective au même moment, au même temps, hein, comment construire une liberté individuelle qui soit aussi une liberté collective, utopie au sens de Walter Benjamin, hein, des utopies qui travaillent de façon contradictoire l'histoire, hein, de façon concrète, hein, et qui sont porteuses d'aspirations à transformer le politique. Et je pense qu'au travers de cette conférence, tu vas nous montrer ce que peut apporter, y compris pour réfléchir au présent, le fait de revisiter les combats intellectuels, politiques, pour la liberté, mais aussi pour la fraternité, qui ont marqué le 19e siècle, à commencer par les Canuts, 1848, mais aussi la Commune, hein, ton ouvrage invitant aussi à revisiter l'histoire de la Commune. je pense qu'on va revenir sur ses premières expériences ou ses premières expérimentations politiques, premières expériences ouvrières, avec la revendication, bien sûr, du droit au travail. Et ça rentre particulièrement en résonance par rapport au débat contemporain, non seulement du droit du travail, mais du droit au travail, la revendication d'une république sociale. Hein, donc le fait que la liberté n'est pas complètement achevée tant que ce n'est pas aussi, tant qu'elle ne renvoie pas aussi à des droits économiques et sociaux. Et puis aussi des premières expériences de gouvernement direct des travailleurs, hein, des formes, on parlerait aujourd'hui de formes d'autogestion, d'autogestion politique, d'autogestion aussi sur le lieu de travail. Alors, nous avons choisi dans cette conférence, tout d'abord, que tu interviennes dans un temps suffisamment long, parce qu'il me semble que c'est important pour bien avoir le temps d'exposer les thèses que tu défends dans cet ouvrage. Je te proposerai ensuite de réagir à quelques questions qui feront écho à ton exposé. Et puis après, nous ouvrirons les questions à toutes ceux et toutes celles qui souhaiteront intervenir. Et nous prendrons enfin 10 minutes à la fin pour évoquer un atelier de lecture et d'écriture qui s'est tenu dans le cadre de la bibliothèque municipale de Lyon, dans le cadre de toutes ces initiatives sur la démocratie que ce forum vient clore durant ces 3 jours. C'est un atelier qui s'intitulait « Démocratie au travail », « Démocratie du travail », vous voyez que ça a un lien, « Un territoire encore à conquérir », qui s'est tenu à 4 reprises depuis décembre, que nous avons animé avec Anne Charmasson-Creus, qui a introduit cette conférence, et moi-même. Cet atelier a donné lieu à des lectures croisées, des discussions sur un certain nombre de textes. Et puis, nous avons fait un travail d'élaboration, de proposition, qui reste encore à achever. Et donc, on prendra quelques minutes. Je sais qu'il y a quelques participants qui sont dans la salle, si vous le souhaitez, pour évoquer un petit peu, peut-être, ce travail collectif et ces propositions. Voilà, parce qu'on s'était dit, ça fait partie aussi de cette idée de travail collectif, citoyen, que de se saisir de ces questions et de se dire qu'on est en droit, en capacité d'élaborer des propositions. Donc, encore une fois, merci d'avoir accepté et je te donne la parole tout de suite. Merci beaucoup, Sophie. Alors, je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous parce que je reviens chez moi pour cette occasion. Et en même temps, ça me permet, si vous voulez, de répondre à une question qui m'a été très souvent posée parce que mon livre « Le procès de la liberté » est sorti en janvier 2016 et je ne cesse de faire des conférences sur mon livre depuis janvier 2016. Alors, à chaque fois, il faut que, disons, que j'adapte au nouveau public. J'essaye de réfléchir avec un autre point de vue. Le livre est suffisamment épais, j'ai vraiment toute la possibilité. Et là, c'est la première fois que je vais tenter de répondre à une question qui m'était posée au cours des conférences, à la fois implicite et explicite, sur la question de la liberté. Alors, je ne vais pas aborder la question de la démocratie au sens traditionnel du terme. On le fera ensemble, parce que j'aimerais que nous débattions ensemble. Mais je vais essayer de commencer en amont de la réflexion sur la démocratie et la nécessité, pour que la démocratie ait lieu, d'acquérir la liberté. Donc, je vais surtout débattre avec vous et réfléchir avec vous sur la liberté. Alors, il se trouve que nous sommes à Lyon, donc moi, j'avoue que j'ai un petit faible dans la mesure où je suis d'ici. Et en même temps, je viens régulièrement au moment du novembre des Canuts. Donc, cette année, je ne suis pas venue, mais il y a toujours des initiatives multiples et on a des échanges sur le novembre des Canuts. Non pas on ne se rappelle pas la mémoire des Canuts, mais on essaye de saisir en quelque sorte l'actualité des années 1830. Alors, c'est autour de cette question d'actualité de la liberté que je vais essayer de penser avec vous. Je dis bien penser au sens le plus large du terme et penser du point de vue collectif. Si je bouge, c'est que le tabouret glisse. Donc, je vais sans doute être obligée de rester debout. Alors, bien sûr, ce n'est pas parce que je suis à Lyon et tout près des terreaux, mais vraiment, nous avons tous en mémoire, et vous peut-être un peu plus que moi, mais nous avons tous en mémoire ce slogan des Canuts, « Vivre libre ou mourir en combattant ». Donc, ça fait bizarre quand même de dire qu'en 1830, l'aspiration... En 1831, l'aspiration était de vivre libre. Qu'est-ce que ça voulait dire, vivre libre, quand on savait que la misère était presque absolue? La classe ouvrière, ce qu'on appelait les prolétaires, c'est un mot de cette période-là, un mot nouveau hérité de l'Empire romain, c'est-à-dire qui ça signifiait tout simplement que les prolétaires n'avaient que la capacité de se reproduire. Ils n'avaient même pas la possibilité de vendre leur force de travail, mais ils n'avaient que la capacité de se reproduire. Et le mot prolétaire était un vilain mot. Étonnamment, ce vilain mot était porté par les prolétaires, en particulier les canuts, et ceux-ci n'avaient qu'un slogan, vivre libre, dans une situation sociale particulièrement catastrophique. Étonnamment, les années 30, c'est précisément ces années d'exceptionnelle liberté. Savez-vous qu'après la révolution de 1830, surtout après la révolte des canuts, au moment où le prolétaire, disait Lamartine, est un vilain mot qu'il faut que nous rayons de notre vocabulaire, donc l'émancipation du peuple et des femmes était une expression à la mode, je dis bien à la mode, dans les journaux qui ne sont pas des journaux parisiens seulement. J'ai découvert au hasard de mes recherches un petit journal en Bourgogne, on dirait aujourd'hui une feuille de chou, hein, où il y avait un grand article valorisant, saluant la mémoire de Byron. Byron est mort en Grèce. Il n'est pas mort d'une balle, il est mort d'une maladie à Missolonghi, mais il se trouve que Byron était parti en Grèce pour soutenir les Grecs contre la lutte qu'il menait en faveur de leur indépendance contre l'Empire ottoman. Partout en Europe, vous avez un esprit de liberté exceptionnel et particulièrement porté par les prolétaires. N'oubliez pas que ces prolétaires étaient sans droit, même pas le droit de se réunir, et ils avaient constitué, organisé les sociétés de secours mutuels qui leur avaient permis justement de mettre en œuvre en quelque sorte cette coordination des luttes, et en particulier sur les pentes de la Croix-Rousse, la révolte des canuts. On est donc en droit de s'interroger comment cette liberté était si importante qu'en 1831, puis en 1834, c'était le seul mot d'ordre tellement prégnant que Stendhal, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si votre lecture est fraîche de Lucien Levenne, et donc Stendhal parsème en quelque sorte son roman et donc la fiction d'une note, d'une référence parfaitement explicite sur la révolte des canuts en 1834, comme si c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas oublier. Étonnamment donc, si vous relisez Lucien Levenne, vous avez cette émergence de la révolte des canuts et de l'aspiration à la liberté qui n'a strictement rien à voir avec l'intrigue. Et on connaissait justement l'extraordinaire ruse, en quelque sorte, de Stendhal qui essayait justement de faire entendre la signification du mot république de manière extrêmement détournée. Et pour lui, dans ses ouvrages, le républicain était quelqu'un qui était absolument désintéressé. Donc le républicain était en quelque sorte, comme l'aura dit Balzac un peu plus tard dans son roman sur les paysans, le républicain, c'était l'avant-courrière du communisme. Nous sommes dans les années 30 et 48, à la limite, s'annonce. Savez-vous que cette liberté de gens sans droit, sans sécurité, sans la moindre protection sociale, hein, où la misère était en quelque sorte le lot de tous et de chacun jusqu'en 48, tous les philanthropes veulent absolument rompre avec cette misère, éradiquer cette misère, et du même coup, c'est l'ordre, en quelque sorte, le mot d'ordre de la culture de cette époque-là, et du social. Tous ces prolétaires, Villermé, diligenté en 1835, c'était un médecin, donc, diligenté par le gouvernement pour connaître les racines de la misère, Villermé donc fait une enquête à Lyon, comme il fait une enquête à Lille, comme il fait une enquête dans toute la France, et il découvre avec stupéfaction, dans les cabarets lyonnais, en particulier ici au Terreau, et notamment aussi sur les pentes de la Croix-Rouge, « J'ai entendu, dit-il, écrit-il, des discussions, des propos éminemment politiques de la part des canuts en 1835. » Il estime que la population était extrêmement politisée et savait parfaitement de quoi elle parlait. Et cette version de Villermé, bien entendu, n'a pas été prise en compte. On a cherché à savoir quelle était l'origine de la misère, mais pas du tout. On ne s'est pas interrogé sur le sens précisément de la politisation, puisque les prolétaires étaient le dernier échelle sociale. Et donc, il découvre que ces gens-là, ces inconnus, ces anonymes, avaient une réflexion très poussée et se souvenaient bien sûr de la Révolution française. La Révolution française est la mémoire pratiquement de toutes les révolutions jusqu'en 1871, mais a fortiori dans les années 30. La Révolution française, c'est hier. Et ils se souviennent que cette liberté, c'était le mot d'ordre de la Révolution française, et cette liberté est inachevée. La Révolution, c'était tout simplement la rupture, une rupture absolument incontournable. Même Charles X, au moment de la Restauration, n'a pas pu revenir à l'Ancien Régime. S'il y a une rupture de la Révolution française, c'est précisément cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen que personne ne peut mettre en cause. On veut bien les garder comme principe et surtout ne pas les mettre en œuvre, mais il est impossible de revenir sur cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc cette déclaration du droit de l'homme, comme ses promoteurs en quelque sorte, comme ses initiateurs, elle était inachevée. La totalité de ceux qui ont rédigé la Déclaration des droits de l'homme, la totalité de ceux qui ont contribué à cette rédaction, de Sieyès absolument à tout le monde, étaient convaincus que c'était un texte inachevé. Eh bien, les Canus se souviennent que ce texte est inachevé, que ce texte doit se prolonger et faire en sorte que la liberté appartienne à tous et à toutes, même pour certaines, à tous et à toutes. La mémoire et ce qui va être considéré comme une remémoration de la Révolution française fonctionne de cette manière-là. Nous sommes peut-être pas encore libres, mais nous pouvons le devenir. Alors, que voulait dire la liberté dans cette réflexion qui habite la totalité des contemporains, qu'ils soient favorables ou la Révolution ou critiques à l'égard de la Révolution, comme Edgar Quinet, qui avait une vision particulièrement lucide de la Révolution, mais on ne peut pas dire qu'il était réellement proche des Canus, mais il n'empêche qu'il a écrit ceci. Ce qu'il y a d'évident, écoutez bien, d'évident pour tous, est que la Révolution française a ramené sur terre la foi à l'impossible. La foi à l'impossible. On peut l'interpréter de toutes les manières. Ça peut être une utopie, aucun lieu nulle part, mais la foi, on pourrait dire aussi au possible accessible, au possible lointain, mais là, la lucidité de Edgar Quinet n'est pas prise à défaut. Et la totalité de ceux qui considèrent qu'il manque quelque chose, les révolutions se font à partir d'un manque, eh bien c'est, ils ont le regard tourné vers le passé, ils décortiquent, ils, dirait Derrida, ils déconstruisent, en tout cas, ils se réfèrent à un passé inachevé. Et c'est pas un post-marxisme, c'est pas... Non, les contemporains se réfèrent à un passé inachevé. J'ai découvert, à l'occasion de l'écriture de mon livre, j'ai découvert des tonnes de choses. En particulier, je me suis arrêté sur ces années, justement, entre 1830 et 1835, où des gens sans droit avaient une aspiration à la liberté sans pareil, qu'un jeune républicain, très jeune républicain, en 1833, Charles Chevet, il appartient à la Société des droits de l'homme et du citoyen, écrit ceci, puisque intervenir politiquement et plus encore de manière subversive est extrêmement dangereux. Il prend ses précautions. Le 27 juillet 1933, il écrit ceci. « Ayant fait d'avance le sacrifice de ma vie à la cause sainte de la liberté, sachant qu'un républicain doit être prêt chaque jour à la mort quand un roi règne, nous sommes sous Louis-Philippe, puisque 1830 est intervenu, la Révolution a installé, comme le disait très justement et avec énormément d'humour, Hein, le roi des barricades, sur le trône. On n'a pas réussi à revenir en quelque sorte, c'est un processus régressif, aux espoirs de la Révolution française. Donc le roi règne, et donc, dit-il, chaque jour, un républicain doit se préparer à la mort quand un roi règne dans son pays. Et il ajoute, « Je crois à la continuation indéfinie de ma vie intellectuelle. Je crois à la continuation indéfinie de ma vie intellectuelle. Je crois à ce principe de l'intelligence. Voilà toute ma religion. Tel est mon culte. La liberté se compose du travail qui rend indépendant des autres et de l'intelligence qui brise l'esclavage des sens et des préjugés des hommes. La liberté, c'est l'admission illimitée d'actes selon le droit. La liberté, c'est l'admission illimitée d'actes selon le droit. » Donc j'ai vu en passant tout à l'heure devant l'opéra ou devant le... Oui, devant l'opéra, une association qui disait agir. J'ai oublié l'intitulé premier. Agir. Eh bien, Chevet était plus explicite. Pas agir pour agir, c'est mettre en œuvre, en acte, le droit. Alors, c'est étonnant parce que Charles Chevet, qui est un jeune prolétaire, on pourrait dire lettré, mais sans plus, avait comme objectif de mettre en acte le droit alors qu'il n'avait strictement aucun droit. Comme si ce lien entre le droit et le pouvoir d'agir était absolument indissociable. On a perdu cette pensée-là, on a perdu ce passé-là. On n'a pas simplement oublié ce passé, on l'a perdu. On ne sait pas ce que signifiait à ce point la liberté. Le pouvoir d'agir. Alors moi, j'ai pensé que Chevet était un doux illuminé. Non, c'était la totalité des gens et des prolétaires lettrés ou tout simplement des individus qui ne pouvaient pas, dans la situation où ils étaient, vivre en l'état. Seulement, ils n'oubliaient pas que le droit, sans le pouvoir, est absolument nul et non advenu. Alors celui qui a défini la liberté, pas simplement qu'on a oublié, celui qui a défini la liberté, qu'on a perdu, dont on a perdu le sens, c'est Pierre Leroux. On a perdu aussi le sens du socialisme donné par le même Pierre Leroux, aussi résistant que Victor Hugo, puisque celui-ci s'est retrouvé effectivement exilé au moment du Second Empire. Donc, j'ai lu Pierre Leroux avec plaisir, avidité et découverte. Il a non seulement défini le socialisme, mais le socialisme, pour lui, était absolument inséparable de la liberté individuelle. Pas de socialisme collectif sans liberté individuelle. Et j'ajoute, avec un nombre non négligeable de penseurs de l'époque, penseurs du, je dirais presque, du dimanche, penseurs professionnels, qui ne pouvaient pas séparer communisme, socialisme, république, où la liberté collective était inséparable de la liberté individuelle, et que ce collectif, eh bien, on pouvait le penser ou le décliner en termes de socialisme ou en termes de communisme, tout ça, c'était secondaire si on avait bien conscience que la liberté ne pouvait être individuellement conquise que si elle était partagée, donc en collectif, et du même coup, il était nécessaire, bien entendu, pour qu'il y ait une liberté collective de se séparer définitivement de l'idée d'individualisme dont, qui était largement véhiculée par le libéralisme. Le libéralisme qui s'est emparé, en quelque sorte, du sens du mot liberté. Je dis que nous avons perdu cette définition, et Pierre Leroux donne la définition suivante. La liberté, c'est le pouvoir d'agir matériellement, intellectuellement et politiquement. Il ne parle pas de droit, il n'y en a même pas. Mais les deux sont étroitement liés. Donc, la liberté, c'est le pouvoir d'agir matériellement, intellectuellement et politiquement. Et ça n'est pas simplement Chevet, c'est une idée qui court pendant toute cette période 1830-1848. puisque les premiers communistes, enfin le communisme authentique, hein, celui qui est défini en particulier par Constantin Pécheur, autre illuminé d'une certaine manière, dont on a oublié le nom, eh bien, c'est à peu près la définition de la République. C'est-à-dire, nous sommes dans la République également libres. Alors, par rapport à cet espoir, si on rapporte cet espoir à la réalité, il y a un fossé, il y a un abîme. On va donc appeler ces gens utopiques. Ils sont totalement utopiques. On a oublié cela parce que le sens actuel du mot liberté, eh bien, ça n'a strictement rien à voir, puisque, vous le savez, dans la mesure où il y a eu l'empire du libéralisme, au sens signifiant du terme, qui a imposé une réalité qui n'a strictement rien à voir avec ses espoirs du passé, le mot « liberté » signifie, de manière explicite, être en capacité de s'exploiter soi-même. Puisque, vous le savez, vous avez dans les journaux aujourd'hui des slogans « Devenez auto-entrepreneur ». Vous n'aurez plus de tutelle, seulement vous n'aurez plus non plus de limites et vous pourrez travailler 12, 13, 14, 15, etc., etc. La véritable liberté aujourd'hui, c'est précisément être en capacité, non pas de vendre sa force de travail au plus offrant, pire, c'est se vendre soi-même à soi, en apparence. Et c'est la raison pour laquelle cette idée de liberté collective, inséparable de la liberté individuelle, est totalement oubliée et perdue. Donc, longtemps, j'ai pensé privilégier la démocratie dans mes interventions au détriment de la République, puisque la République, en quelque sorte, c'est un cadre à partir duquel la démocratie se met en principe, en place, à l'œuvre et s'organise. Mais à force de lire justement des travaux et des textes des révolutionnaires, des insurgés, des républicains de 1848, qui en quelque sorte ont défini ce qu'était la République, ont défini ce qu'était la liberté, eh bien, ils se réfèrent régulièrement à 89. Pas simplement 89, 92. Et là, bien sûr, 1792, c'est la Première République. Qui a fondé la Première République? Qui est responsable de cette République qui est intervenue, je dirais presque par effraction? Eh bien, les citoyens passifs. C'est-à-dire ceux qui, selon Sieyès, n'avaient pas suffisamment d'éducation, n'étaient pas suffisamment instruits pour être en capacité de gérer la chose publique, ou plus précisément, n'avaient pas suffisamment les moyens pour être en quelque sorte libérés des tâches du quotidien, donc du travail. Et donc, on a distingué, dès la Révolution française, les citoyens passifs des citoyens actifs. Sieyès le disait de manière extrêmement subtile, pour l'instant, il n'est pas possible de faire en sorte que la totalité soit citoyen. Donc les citoyens passifs ont été convoqués pour défendre la patrie en 92. Ils sont montés avec leurs armes, arrivés à Paris, ils envahissent l'Assemblée en disant « si vous avez besoin de nous, comme vous le savez, eh bien pour défendre la patrie, il nous faut être citoyens ». C'est comme ça que la République est née. Et donc cette République de 92, c'est la référence, comme République de 92 et République de 93, la Constitution de 93. Et la Constitution de 93, ce n'était pas simplement le droit à l'instruction, c'était le fait d'imaginer justement la capacité de vivre en collectif, le droit au travail, qui va être mis en œuvre, bien sûr, en 48. Comme si 48 n'était que l'achèvement de 92. Raté en 30, 48, triomphe, Deuxième République. Et étonnamment, là encore, qui impose la République? Ils veulent retrouver la République d'origine, la République pour tous. Ils vont beaucoup plus loin en 48. La révolution de 1848 a été faite, selon les historiens, par une poignée d'insurgés ou de révolutionnaires parisiens. On ne sait pas trop, on ne sait même pas les noms. Il n'empêche que cette poignée a réussi à imposer l'idée républicaine à toute la France. En 1830, la Révolution avait largement débordée partout, l'Europe se soulevait. 1848, comme vous le savez, c'est le printemps des peuples. Absolument partout, tout le monde a un slogan en fonction justement de l'état de la situation du pays, un seul slogan fondamental, la liberté. Et nous avons remarqué avec stupéfaction, mais avec intérêt, comme quoi le rapport passé-présent est d'un intérêt est absolument nécessaire, avec les amis tunisiens en particulier, et égyptiens, au moment de ce qu'on a appelé aussi le printemps arabe, lorsque, à l'université, nous avons débattu. Moi, j'étais très critique en disant cette assimilation, ce lien entre 48 et le printemps arabe, et on s'est rendu compte qu'au contraire, c'était précisément ce passé qui revenait. Il revenait parce qu'il n'était pas achevé. Les mêmes mots revenaient. Le sens revenait. Un mot, dit Benjamin, sera toujours véhiculé, une idée sera toujours véhiculée tant que ce qu'elle porte ne sera pas achevé. Et du même coup, un historien tunisien, pendant 15 jours, a systématiquement relevé les slogans de la révolution tunisienne. À peu près identiques, bien sûr, actualisés, mais à peu près identiques à ceux de 48. Liberté. Et 48, qu'est-ce qu'ils disent ? Par rapport à 30, c'est beaucoup plus exigeant. Par rapport à 30, ils expliquent, les mots doivent devenir vrais. Les mots doivent devenir vrais. Liberté, égalité, fraternité, cette révolution, disent les observateurs, c'est une révolution qui doit être la dernière. Enfin, la liberté va pouvoir être mise en œuvre. Et ça va beaucoup plus loin. Pas simplement en slogan, mais en pratique, en acte, les femmes, elles, vont décliner la définition de l'universalité dans sa réalité. Et donc, l'universalité, on retrouve le sens que donnait Mary Wollstonecraft pendant la Révolution. L'anglaise, la mère de Mary Shelley, elle-même, comme vous le savez, l'auteur de Frankenstein, etc., etc. La famille Godwin, quand on dit que Proudhon est le père de l'anarchie, pas tout à fait. Le père de l'anarchie, c'est incontestablement Godwin. Donc, anarchie au sens libertaire du terme. Donc, on retrouve le sens de l'universalité, un sens réel, et c'est possible. Et j'ai découvert dans les archives, avec beaucoup d'intérêt, que toutes les pétitions, toutes les brochures, qui sont un peu pensées, ben ces brochures, on a l'impression que les révolutionnaires recyclent ce qui se passait en 1830. Ils recyclent, le Roux va recycler sa définition de la liberté, du socialisme. Ils envoient ça aux chambres, ils envoient ça aux assemblées, ils envoient ça partout. Et du même coup, ils contribuent à donner un sens au mot république. Ce sens de République démocratique et sociale, ça n'est pas le Drurolin qui était ministre de l'Intérieur. Non, c'est précisément cette foultitude de manifestes venant d'individus lambda, de femmes, d'hommes, qui vont inventer une démocratie nouvelle pendant quelques semaines. Ça ne dure pas. Mais pendant quelques semaines, on a l'impression que la République est là, la République démocratique et sociale, la leur. Pas la nôtre, pas celle qui est née, pas notre héritage. Nous avons hérité d'une autre république, la république d'ordre. Raison pour laquelle, quelquefois, publiquement, je me permets de tancer les candidats aujourd'hui. Et je leur demande tout simplement, dans des tribunes, dans les journaux, en fait, ce rapport entre passé et présent, de respecter aussi cette utopie, cet espoir de faire parler les citoyens. S'il y a eu un progrès, aujourd'hui, c'est incontestablement le progrès de la culture, le progrès de l'éducation, de l'instruction, du savoir, l'accès aux connaissances, le nombre invraisemblable d'associations, pas simplement à Lyon, mais partout, qui essayent justement d'agir, de mettre en œuvre les slogans « liberté, égalité, fraternité », de faire en sorte de mettre en œuvre un pays, les principes au service de tous. Donc, une grande majorité de la population a largement les moyens d'intervenir. Et c'est pourquoi je propose aux candidats de faire parler les citoyens, c'est-à-dire qu'on les écoute. Puisqu'en 1848, on les écoutait en quelques semaines, la totalité est devenue républicaine. Mais bien entendu, les lettrés, les libéraux ont tout fait pour faire en sorte que cette République n'ait strictement rien à voir avec la République démocratique et sociale. Et c'est parce que, à force de répéter que la République tout court, c'était le seul principe qui était applicable et qui n'avait rien à voir avec les utopies, qu'on a perdu le sens de la République démocratique et sociale. Alors maintenant, quelques-uns se réclament de la République et sociale. Il se trouve, hélas, que ces quelques-uns ne savent pas ce qu'est la République démocratique et sociale. Et il faut rappeler que cette République démocratique et sociale, elle a été inventée en février par tous et chacun. Ça n'est pas le propos particulier de Proudhon, ça n'est pas le propos particulier de Blanqui, ça n'est même pas le propos particulier de Louis Blanc. C'était tout simplement pas même Le Drurelin. On croyait que Paris était le centre du monde. Il se trouve que ceux qui sont à l'initiative, c'était tout et n'importe qui, de la République démocratique et sociale, eh bien c'était une poignée d'individus qui espéraient et qui essaimaient partout. Sauf que l'éducation était bien moindre, que le savoir était bien moindre, et que l'idée d'accéder à l'espace public manquait en quelque sorte d'instruction, de savoir. Il ne pouvait pas être également libre. Il ne pouvait pas argumenter. Maintenant, nous ne sommes absolument pas dans cette situation. Eh bien, on a fait croire qu'en février 48, la République qui est née à l'issue des élections, c'était leur République. Bien non, puisqu'à l'issue des élections, le pouvoir des notables a été considérable. En avril, lorsque les élections ont lieu, on va élire des républicains qui sont en fait largement des légitimistes masqués. Bref, les élections ne correspondent absolument pas à la République démocratique et sociale. Et lorsque le droit au travail, qui a été immédiatement mise en œuvre dès février avec l'ouverture des ateliers nationaux. La première mesure qui est prise, certes, la République est proclamée, mais c'est le droit au travail, c'est-à-dire la capacité de pouvoir effectivement participer à la chose publique, y compris pour les travailleurs. Eh bien, ce droit au travail, compte tenu de la situation, est annulé. On va fermer les ateliers nationaux. Savez-vous que les ateliers nationaux ont été ouverts aux femmes en avril, le 10 avril ? Tout ça est fermé, la situation est chaotique et catastrophique. Et donc, la République qui triomphe, c'est la République tout court, celle qui est chère à Tocqueville, celle qui est considérée comme l'apanage, le privilège de ceux qui sont libres, c'est-à-dire ceux qui savent, ceux qui ont les moyens de gérer la chose publique, et donc des propriétaires. Et c'est toute la popularité, c'est toute la propagande que laissent entendre les notables, si bien que des républicains de la veille, il y en a très peu qui sont élus. On comprend à ce moment-là pourquoi juin 48 s'insurge. Pourquoi les prolétaires qui avaient cru qu'avec les élections, tout était fini, puisque Le Drurelin, ministre de l'Intérieur, va expliquer que désormais, avec le suffrage universel, il n'y a plus de prolétaires en France. On y a cru, les femmes aussi. Tout ça est complètement balayé. L'ordre va régner après la répression. Une répression absolument terrible. Et on a osé dire, après Tocqueville, que juin 48 était une insurrection de républicains contre les républicains. Non, juin 48, c'est une insurrection de ceux qui voulaient une république réelle, une république vrai par rapport à la République d'ordre. Nous sommes, dit Derrida, les héritiers de deux siècles d'illusions et de méconnaissances. Raison pour lesquelles il nous faut aujourd'hui retrouver le sens du mot liberté, retrouver le sens du mot république tel qu'il était véhiculé par une poignée d'individus qui n'avaient aucun droit. Retrouver ce sens de la liberté qui nous a fait défaut parce que le système libéral, aussi républicain soit-il, nous a fait croire, à la fin du XIXe siècle, pas simplement avec la philosophie du progrès, qu'avec l'État-providence, nous avions la capacité d'agir. Eh bien non, on nous a accordé des droits, mais nous n'avons pas le pouvoir de l'exercer. Au point que la liberté qui triomphe n'est incontestablement pas la nôtre. Et donc, il faut saisir cette continuité historique discontinue avec les moments qui donnaient un sens, en quelque sorte, à la liberté individuelle, à l'égalité et à la fraternité. Comprenez bien d'où vient le mot fraternité. Le mot fraternité intervient au moment des associations en 1849. L'utopie était tellement vraie, les espoirs étaient tellement saisissables que même après la répression de juin 48, les ouvriers arrivent, alors certes, dans les villes, à Lyon, à Paris, à Lille peut-être, peut-être à Marseille, arrivent à constituer des associations, une coordination d'associations, où les ouvriers faisaient ce que les canuts avaient décidé aussi, s'occuper de nos propres affaires, avoir effectivement le droit de passer un contrat, avoir un tarif avec celui qui nous embauche, mais mieux encore si nous pouvions le faire nous-mêmes. Mais là, ce n'était pas l'exploitation de soi-même. C'était essayer de gérer justement la production, la consommation, faire en sorte de se gouverner soi-même. Pauline Roland, de sa prison, une femme. Je ne sais pas si vous connaissez Pauline Roland. Vous avez tous entendu parler de Victor Hugo, mais pas Pauline Roland. Elle est partie, effectivement. Elle a dû être exilée au moment du... Pas simplement exilée, mais elle est partie en déportation en Algérie. Donc, tout de suite après le coup d'État de Napoléon III. Et puis, après l'amnistie, elle n'a même pas arrivé à Paris. Elle est morte. On ne se souvient pas de Pauline Roland, de sa prison. Pauline Roland écrit précisément ceci dans un manifeste. Elle fait un appel au gouvernement des travailleurs. Elle ne fait pas un appel à Proudhon. Bien sûr, elle connaît Proudhon, elle parle à Proudhon. Elle ne fait pas appel à Blanqui, elle ne fait pas appel aux leaders, comme juin 48. Elle fait, cette révolution s'est faite sans leader. Ils ont tous été, les leaders étaient tous arrêtés à la manifestation du 15 mai. Elle fait appel tout simplement à tous et à tous. Et ces associations, à un moment, Jeanne de Rouen, elle et d'autres, mais étonnamment, ce sont des femmes qui, sur le plan social, certes, elles n'ont pas les droits politiques, certes, elles en veulent à leurs collègues socialistes, certes, elles s'en prennent à Proudhon qui refuse qu'une femme présente sa candidature alors qu'il n'y a pas le droit politique. Non, elles appellent au gouvernement direct des travailleurs. Ça ne dure pas. Utopie, irréaliste. Ils ne sont absolument pas représentatifs. Il n'empêche qu'ils ont organisé cette association des associations. Et là, on invente le sens du mot fraternité. Vous connaissez le mot fraternité en disant, dans les manuels, on a dit que fraternité, eh bien, c'était la représentation de cette alliance de classe, l'Église, rappelez-vous, devant l'arbre de la liberté, il y a égalité, fraternité. On est tous là, tous ensemble, la bourgeoisie guide en quelque sorte les prolétaires et l'Église sanctionne tout ça avec sympathie et bienveillance. Non, le mot fraternité, c'est dans les associations. Le mot fraternité, c'est l'équivalent du mot communisme. Mais pas un mot communiste tel qu'on l'a imaginé aujourd'hui, tel qu'il a été, si je puis me permettre, dévoyé par un despotisme où la dictature du parti se substitue à la dictature du prolétariat, pour reprendre une terminologie, je dirais presque classique. Non, non. Le communisme, c'est cet lien entre dans les associations où le plus faible est soutenu par le plus fort, et donc au sein des associations, les individus sont également libres. Pas d'égalité, dit-on à cette époque-là, sans liberté. Il n'y a pas d'égalité possible entre gens inégaux. Au sein des associations, eh bien, la fraternité existait dans ce processus interne où les individus pouvaient s'entraider à égalité de liberté. On a perdu le sens. En même temps que la liberté, on a perdu le sens fraternité puisqu'il a été repris par la philanthropie chrétienne, la philanthropie religieuse et maintenant c'est l'équivalent de la charité publique. Comprenez bien ce que ça veut dire. On a perdu le sens. Et le mot communisme, eh bien, la première revue communiste, ça date de 1845, avant 1848. Eh bien, cette revue communiste s'appelait Fraternité. Et le communisme, eh bien, c'était tout simplement non seulement la liberté collective, mais en même temps une liberté collective qui supposait le droit de penser, le droit d'agir, le droit de s'exprimer. Dans l'association des associations, Jeanne de Rouen avait imaginé même, dans les statuts qu'elle avait rédigés, avait imaginé une voie possible pour la minorité. Mais il croyait tellement à cette réalisation des espoirs de 89 que jamais, quand on les traitait d'utopique, il ne croyait. La répression a balayé tout ça. Après 48, le Second Empire, comme vous le savez, et c'est la chape de plomb. Alors, je ne vais pas vous raconter la suite, vous la connaissez, la Commune, etc., etc. Et puis, peu à peu, l'inverse des espoirs s'est mis en œuvre. Au moment des expositions internationales, des expositions universelles, la philosophie du progrès, le progrès technique avait fait de telles avancées qu'on a l'impression que tout est possible. Plus personne, maintenant, ne met en doute le progrès. Sauf que, à ce moment-là, le progrès aboutit à une aliénation plus grande des ouvriers. Savez-vous que Michel Chevalier, ancien Saint-Simonien, qui fait partie du cabinet, en quelque sorte, du Second Empire, au moment des expositions, Michel Chevalier va expliquer, sans rire, sans humour, l'extraordinaire que ça peut représenter, ce progrès. L'homme, l'ouvrier, désormais, est en quelque sorte un appendice de la machine. L'aliénation est telle qu'on ne soupçonne même plus que l'émancipation peut émaner des travailleurs qui existent et qui subissent, non plus les manufactures, mais des entreprises un petit peu plus larges, pas encore à la chaîne, mais ça s'annonce. Et donc, on va organiser en quelque sorte des organisations en dehors de l'usine. L'usine, ça sera les syndicats. Et du même coup, l'idée d'émancipation par soi-même, c'est-à-dire donner le sens de la liberté, le pouvoir d'agir matériellement, intellectuellement, politiquement, ce sens-là, on l'a perdu. On l'a perdu puisqu'on imagine libérer, en quelque sorte, les travailleurs, libérer les prolétaires. Et les prolétaires, quelle image en a-t-on ? Zola, Germinal. Vous vous souvenez tous de Germinal. Les ouvriers, les mineurs en particulier, ne sont plus que des instinctifs, au mieux, voire se comportent comme des bêtes. Ils n'ont qu'une possibilité d'agir, simplement la sexualité débridée. Rappelez-vous, dans Germinal, les femmes mineures, de mineurs, se font culbuter dans les fossés. Vous vous souvenez de ça ? Voilà l'image que l'on a. Comment voulez-vous imaginer possible l'utopie des années 30 ? Non, il faut affranchir ces ouvriers. Et de fil en aiguille, d'année en année, de réflexion, en absence de réflexion, on oublie ce que émancipation veut dire. On a cru que l'égalité pouvait se substituer. Or, les années 30 ont été suffisamment explicites. Il n'y a pas d'égalité sans liberté. On ne peut pas être égal à l'autre si celui-ci est inférieur à soi. Alors, on se souvient de ce que disait Condorcet et bien d'autres. On cherche à être libre en tant que tel. Il nous importe, de mon point de vue, de nous réapproprier la liberté, de nous réapproprier la liberté avec le sens et l'exigence que cela implique. Être libre, c'est aussi être responsable. Mon frère, hier, me disait, ici présent, Il faudrait peut-être se souvenir de ce que disait Sartre. Je sais bien que Sartre a été mal entendu, mal compris. Et compte tenu de ses ambiguïtés, je ne reprendrai pas bien sûr ce que dit bêtement Michel Onfray, mais compte tenu de ses ambiguïtés et puis de ses erreurs du point de vue politique, il avait une définition de la liberté qui me semblait incontournable. Rappelez-vous, les chemins de la liberté, l'existence précède l'essence, etc. etc. Et il a dit cette phrase bizarre, « Jamais nous n'avons été, et mon frère me le rappelait, « Jamais nous n'avons été aussi libres pendant la période d'occupation. » Eh bien, rapporté à la liberté pensée possible dans les années 30, dans ce moment où il n'y a pas de droit, rendez-vous compte, à partir de 34, il n'y a, 1834, il n'y a aucune possibilité de se réunir, même pas. C'est-à-dire que si, à la veille de 48, ils ont dû faire des banquets, vous savez, la campagne des banquets, c'est parce qu'ils n'avaient pas le droit de réunir. Donc, à partir de 34, plus personne ne peut se réunir à plus de 20 personnes. Ils n'avaient même pas le droit de se réunir. Savez-vous que ces mêmes personnes, en 1840, déclenchent une grève inattendue. Des grèves, disent les journaux, mais enfin, nous ne sommes plus à la période des canuts, ils crèvent plus de faim. Nous ne sommes plus dans cette période. Et pourtant, tout Paris est envahi des grèves de 1840. Savez-vous ce qu'ils réclament, les grèves de 1840 ? L'abolition du marchandage, l'abolition du travail à la tâche, l'abolition du travail exploité, du marchandage. Or, qu'est-ce qu'Hubert aujourd'hui ? On a réussi en 1848 de manière éphémère. Ce moment utopique, ce moment d'illusion, ce moment où, bien entendu, la France entière était paysanne et se moquait et craignait considérablement cette idée du communisme, un spectre hante l'Europe, disait Marx dans son manifeste que personne connaissait. Un spectre hante l'Europe, le communisme. Pourquoi c'était cela ? Parce qu'on estimait que la République, eh bien, logiquement, devait aboutir au communisme. Et toute la propagande en 1848 a été d'expliquer que c'est une illusion. Personne ne veut le communisme. On a balancé des slogans imbéciles de propagande. « Rendez-vous compte », dit George Sand lorsqu'elle revient dans son Berry natal. On imagine le partage des biens et le partage des femmes. Comme si Platon avait quelque audience en 1848. Les militants communistes, c'était quoi ? Une poignée. S'ils étaient 10 sur la place de Paris, c'était le maximum, militants conscients. Seulement, c'était la logique de l'esprit de liberté. Donc, il nous faut se réapproprier ce sens, par-delà les idéologies, retrouver le mot, pas simplement la solidarité, mais le sens du mot fraternité. Pour retrouver cela, il faut se dégager de cette histoire continue qui a oblitéré et qui s'est surimposée à ses espoirs, et on m'a souvent dit, mais enfin quand même, la situation des années 30, 1830, était sans commune mesure avec la situation actuelle. Non, il faut interroger l'histoire autrement. Et c'est pourquoi, lorsque j'ai obtenu le prix Pétrarque avec mon livre Le procès de la liberté, j'ai donc fait la leçon inaugurale. Certains d'entre vous ont peut-être eu la curiosité d'écouter. J'étais carrément décalée par rapport au débat qui a suivi, mais j'ai choisi justement ce décalage en toute conscience. Et j'avais terminé mon intervention par cette formule qui me semble d'un intérêt considérable de Benjamin, c'est-à-dire cette actualité du passé, encore faut-il pouvoir la retrouver. Et tout le monde n'est pas historien, c'est la raison pour laquelle j'accepte beaucoup, beaucoup d'interventions dans les universités populaires. J'ai privilégié jusqu'à présent les universités populaires qui s'étaient constituées par réaction au Front National, parce que j'estime que le Front National est véritablement le danger actuel. Et donc, pour essayer de, non pas donner la bonne parole, simplement avoir donné les outils pour penser autrement, hein, et pour essayer de réfléchir ensemble. Donc, j'ai terminé mon intervention à Montpellier par cette phrase de Benjamin, et j'ai décidé désormais d'écrire l'histoire uniquement de cette manière-là. Aborder l'autrefois signifie donc, dit Benjamin, pendant la période catastrophique, donc, de la Deuxième Guerre mondiale, puisque Benjamin est un penseur de l'histoire, un immense philosophe qui a décidé de mettre fin à ses jours en franchissant la frontière française et espagnole pour éviter justement d'être arrêté. Benjamin, comme son nom l'indique, Walter Benjamin, juif allemand, etc. Aborder l'autrefois signifie donc qu'on l'étudie non plus comme avant, de façon historique, mais de façon politique, avec des catégories politiques. J'assume, ces catégories politiques, mais pas simplement. Il me semble que nous devons avoir une exigence de savoir qui dépasse les disciplines et qui dépasse les formations ordinaires. Et c'est la raison pour laquelle, ces dernières années, j'ai beaucoup consacré de temps à l'art, à la réflexion sur l'art. Alors, si vous avez la curiosité de lire mon livre, vous verrez que Courbet m'aide beaucoup, puisque la couverture de mon livre, c'est une reproduction d'un dessin de Courbet qui était facétieux et qui, en 48, a recopié en quelque sorte La liberté guidant le peuple, puisque Delacroix, qui avait fait ce superbe tableau, n'était pas favorable en 1848, même regardez ça avec horreur, surtout juin 48. Et donc, en février 48, tout de suite, dans le journal de Baudelaire, là aussi, Baudelaire, on ne sait pas que Baudelaire a participé aux barricades, non pas contre son beau-père, comme on l'a dit, mais effectivement, il a écrit un des plus beaux poèmes en l'honneur de la beauté du peuple en 1848. Donc, dans le journal de Baudelaire, Courbet dessine une reproduction de La liberté guidant le peuple. Et donc, Courbet, d'une certaine manière, m'a accompagné avec Manet tout le long de mon livre, avec jusqu'à la naissance de l'Arabe serait, avec Klee, avec Kandinsky, parce que Klee et Kandinsky, ces moments, si vous voulez, d'abstraction, de naissance d'une autre forme artistique, il expliquait qu'il était impossible désormais de travailler la peinture ou de travailler l'art de manière classique, c'est-à-dire tout simplement en imitant le réel d'une certaine manière, parce qu'il fallait donner accès à l'invisible. Et donc accès à l'invisible, permettre aux spectateurs, aux regardeurs, comme dirait Daniel Arras, il fallait permettre aux regardeurs de se transporter en quelque sorte ailleurs, comme l'a fait tout récemment l'exposition remarquable qui a été mal perçue à Paris, Soulèvement, faite et conçue par Didier Berman, qui est aussi un adepte en quelque sorte de Benjamin. Magnifique exposition qui dit bien, si vous voulez, ce que Soulèvement veut dire, dans tous les sens du mot. Et il dit bien cette extraordinaire floraison de possibles, d'horizons des possibles. Vous avez des tableaux qui sont superbes, une photo de Man Ray en particulier, mais je ne vais pas vous décliner une exposition. Et là, s'il nous faut se réapproprier les slogans et le sens des mots, il nous faut aussi peut-être regarder ailleurs. Quand on pense qu'en France en particulier, nous avons pendant des années, subi la chape de plomb d'un despotisme soi-disant triomphant, que ce soit du côté de la Russie, l'URSS, ou du côté de la Chine. Rappelez-vous l'extraordinaire mode de la révolution culturelle. Nous étions, je dirais, c'est presque le hasard, quelques-uns simplement pendant la révolution culturelle à comptabiliser les morts. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le cinéma chinois rend compte de ce qui se passe de manière beaucoup plus explicite que n'importe quel article. Vous allez voir au-delà des montagnes de Ya Zhangke. Vous verrez, si vous l'avez peut-être vu, ce film. Eh bien, ce cinéaste Ya Zhangke nous éclaire considérablement sur la situation en Chine, avec Touch of Sin en particulier, et Au-delà des montagnes et bien d'autres. Et puis j'ai découvert par hasard, je dis bien par hasard, un peintre que je ne connaissais pas parce qu'il est particulièrement subversif, j'imagine. Ce peintre s'appelle Alberola. Eh bien, quand vous regardez ces peintures, alors bien sûr, elles ne sont pas accessibles, ce n'est pas une représentation, une photographie du réel, non. Il a peint le rien, l'actualité, le rien, c'est-à-dire agir pour rien, ne pas savoir qui on est. Et ce rien chez Alberola est absolument sublime ici. Mais puis récemment, j'ai découvert avec énormément d'intérêt et de sidération un peintre. Il se trouve que j'étais au Canada, à Montréal, mais c'est le hasard. J'aime bien aller voir les expositions temporaires. Et j'ai découvert un peintre qui s'appelle Tretiakov, David Tretiakov. Et lui a peint, écoutez bien, sur du papier à cigarette, avec des brûlures de cigarette. Il a peint le premier printemps arabe. avec les premières immolations, en particulier l'immolation de Mahmoud Bouazizi. Et c'est saisissant. Un triptyque sur papier à cigarette et qui disent ce que la réalité à laquelle nous sommes confrontés et que nous devons dépasser, eh bien, ce qu'est la réalité, notre réalité. Nous réapproprier le sens du mot liberté suppose bien sûr, eh bien, une, pas simplement une aspiration à la connaissance, une aspiration au savoir, mais suppose aussi une appréciation de notre propre responsabilité. On n'est pas libre si on n'est pas aussi responsable. Ça veut dire qu'entre nous, nous sommes en campagne électorale en France, dans une situation particulièrement difficile, je dirais grave pour certains, eh bien, essayons à notre niveau, de dire, de discuter ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, maintenant ? À Lyon, un peu n'importe où, à la Croix-Rousse, à la Bastille, à la République à Paris, ou tout simplement dans notre immeuble. Essayons de nous réapproprier cette liberté, cette égalité, cette fraternité au niveau où nous sommes pour faire en sorte que la démocratie soit réelle. Qu'est-ce que ça veut dire, démocratie ? Et je terminerai par là. La démocratie, c'est simple. C'est tout simplement le pouvoir du peuple réuni. Alors, je ne parle pas de la référence à la Grèce antique. Benjamin Constant a été suffisamment subtil pour faire la différence entre la liberté des anciens et la liberté des modernes, en magnifiant justement un point de vue, tout en nuance certes, du libéralisme qui triomphe. Nous avons, nous, cette démocratie, c'est-à-dire la démocratie dite représentative. Mais la démocratie réelle, c'est celle à laquelle aspirait Rousseau. Tellement réelle, c'est qu'il réunit tout le monde et il disait, à juste titre, que déléguer son pouvoir, ce n'est pas la démocratie. Si on délègue son pouvoir, il n'y aura pas de démocratie. Et c'est pourquoi il expliquait que la démocratie était un idéal. Sauf que Rousseau, c'était avant la Révolution. Depuis, il y a eu la Révolution et il y a eu d'autres révolutions. Il y a eu d'autres propositions concrètes. Il y a eu d'autres aspirations. Il y a eu d'autres espérances. Et donc, la démocratie, c'est d'abord le débat. C'est pour ça que j'insiste auprès des candidats, quelquefois, enfin j'insiste, je dis bien, à ma mesure, quelques-uns d'entre nous essayons, pour faire en sorte que, plutôt que d'entendre les programmes qui sont plus ou moins illusoires ou plus ou moins possibles dans la situation actuelle, pour essayer de penser un dispositif de demain, pour essayer d'imaginer une transition dans le système actuel, ben, il n'y a pas grand-chose à faire, ça c'est vrai, la finance dominera tout, et on le sait. Donc, si nous voulons non pas changer le système tout de suite, on sait bien que ce n'est pas possible, mais prévoir un processus, c'est-à-dire prévoir une transition, peut-être longue, peut-être courte, j'en sais rien, faire en sorte que les gens s'emparent de l'idée de démocratie, eh bien, débattons à égalité, entre nous, dans les facs, dans l'immeuble, sur la place des terreaux, en attendant que la fontaine soit mise en place, etc., etc., enfin, partout, comme ils ont fait à un moment à Paris, à Lyon, et etc. Essayons de comprendre, mais avec des gens qu'on connaît. Pourquoi Rousseau a inventé le gouvernement de Pologne ? Tout simplement parce qu'entre soi, on se connaît. Et on se connaît, et donc on sait que tel, bon, ses positions peut-être proches de Bayrou, ou proches du centre, ou proches du Front National, entre nous. Et du même coup, on peut débattre à égalité. Et ce n'est qu'à l'issue du débat que le vote a lieu. Qu'est-ce qu'on nous propose dans la campagne électorale ? On nous propose tout simplement une prise de position en disant « Voilà, je ferai ci, je ferai ça, je suis le tribun du peuple. » Oh, les Gracques, c'est fini, depuis longtemps. Et on n'a plus à représenter le peuple. Le peuple, enfin, les gens sont là. Écoutons-les d'abord. Écoutons-nous. Et après, effectivement, on pourra savoir exactement où on va. Alors bien sûr, les programmes, c'est une chose. Commençons maintenant la démocratie. Le vote n'intervient dans la démocratie idéale et donc dans la démocratie qu'il faut mettre en œuvre parce qu'il n'y a aucun pays qui vit sur une authentique démocratie. Nous n'avons que des professionnels du pouvoir partout. Eh bien, essayons justement de dire ce que démocratie veut dire. Mais ça demande tout simplement une conscience de ce qu'est la liberté, raison pour laquelle je me suis permise de faire ce retour sur le passé. Merci beaucoup, Michel, pour ce propos qui nous aide effectivement à penser, hein, qui nous donne des outils pour réfléchir aujourd'hui, pour mieux connaître cette histoire du 19e siècle, hein, mais aussi pour réfléchir à aujourd'hui. Alors, je vais essayer donc d'ouvrir la discussion par quelques questions, sans faire trop long, essayer de te relancer sur quelques pistes. Et peut-être que ce qu'on peut faire, c'est... Je vais mettre en application ce que vous dites. Ouvrir la discussion, quelques pistes, et puis peut-être tout de suite faire passer la parole dans le public pour que tu prennes une série de questions. Voilà. Et comme ça, tu verras à celles que tu souhaites répondre. Alors, moi, en lisant tes travaux, j'avais envie de te demander plusieurs choses. Je vais restreindre ce que j'avais prévu, mais peut-être un premier point, tu l'as évoqué, tu as beaucoup écrit et mené toute une série de travaux sur la place des femmes, sur l'histoire des femmes dans ces moments révolutionnaires et plus largement au XIXe siècle et au XXe. Et tu es revenu là sur la place des femmes en 1848, une participation très forte d'ouvrières en 1848, comme ça avait été le cas d'ailleurs en 1789 aussi, pendant le moment révolutionnaire 89 et les années qui ont suivi, avec des revendications à ce moment-là de ces femmes qui portent sur le droit de vote, bien sûr, l'universalité concrète, hein, qu'on l'applique enfin, mais aussi leur place, le droit au travail, hein, leur place dans la société, mais aussi des questions telles que leur autonomie dans la vie de couple, familiale, l'union libre, toute une série de revendications qui sont déjà là et que finalement le mouvement féministe va avoir du mal ensuite à déployer complètement dans la mesure où il va se focaliser beaucoup sur le droit de vote que ces femmes qui luttaient pour la liberté pensaient obtenir et qu'elles n'obtiennent pas. Et donc il y a toute une série de revendications qui sont déjà présentes. Et tu montres toute la richesse, hein, de ces revendications des femmes, ces revendications féministes à ce moment-là. Et ensuite, la difficulté finalement de ce mouvement féministe qui va avoir à lutter pendant des années encore, hein, sur le droit de vote, par rapport au droit de vote, en étant obligé quelque part de sélectionner un petit peu ses priorités, en fait. Donc peut-être revenir un petit peu là-dessus sur la place des femmes. Alors, avec des courants de pensée qui les soutiennent, je pense au saint-simonisme, hein, où il y a l'idée de l'instruction des femmes, leur place dans le développement scientifique, mais où le soutien n'est pas total sur l'ensemble des revendications que portent ces femmes en acte dans le moment en 1848. Peut-être une deuxième question qui est plus en lien avec l'actualité, et tu as abordé l'actualité à la fin de ta conférence, c'est sur la forme partie. Alors là, toi tu traites d'une période où cette forme partie elle n'existe pas encore. Et tu le rappelais, où il y a au contraire une interdiction qui frappe les réunions, une interdiction encore des syndicats, une interdiction de la grève aussi, hein, il va falloir attendre 1864 pour le droit de grève, 1884 pour la loi sur les syndicats. Les sociétés de secours mutuels vont être reconnues sous le Troisième Empire pour être récupérées. Mais en même temps, on a une effervescence, et tu l'as bien dit, hein, on a des grèves qui existent, il y a des sociétés d'entraide, de secours mutuels qui existent, qui sont liées avec des moments de lutte. On a l'impression d'une plus grande porosité entre différents, entre des clubs, des associations, ce qui est de fait des syndicats, même si ça ne porte pas le nom. Une plus grande porosité entre différents univers sociaux, et cette porosité, on l'a perdue au fur et à mesure que s'est professionnalisé le champ politique, qui s'est séparé du reste de la société. On a aujourd'hui, hein, un univers politique comme univers social qui est séparé du reste et qui est investi par des professionnels de la politique. Et j'aurais aimé t'entendre sur qu'est-ce que ça nous apporte de réfléchir à un moment comme ça où il y avait au contraire plus de circulation entre différents univers sociaux et où justement on pensait le changement, on pensait l'émancipation à partir de différentes positions sans se dire, ben voilà, porter un projet de société c'est réservé aux partis qui font l'offre politique, hein, le parti qui fabrique l'offre politique. Finalement, les candidats qu'on va avoir, là, c'est le résultat de l'intervention des partis. Ils ont un monopole, quelque part, sur cette offre politique. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus ouvert, hein, et il me semble que ça peut être intéressant d'y réfléchir aussi. Et puis, peut-être, troisième point, et là aussi, c'est très en lien avec l'actualité, c'est sur la notion de peuple, hein, revenir sur ces moments révolutionnaires. Ça conduit à réfléchir à comment on dit le peuple à ce moment-là, en 1848, hein, même dans les années 1830. Qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de peuple aujourd'hui? Il y a une référence au peuple, hein, le peuple contre les institutions. Et bien sûr, hein, qui nous vient à la fois des mouvements en Amérique latine, de ce qui s'est passé aussi, de, par exemple, des positions de Podemos en Espagne. Là, on a un peuple pour aussi construire des institutions, pour construire des institutions qui vont être celles de la véritable liberté et de l'égalité. Il me semble qu'il y a aussi des choses différentes dans cette référence au peuple, hein, et qu'aujourd'hui, on la réduit beaucoup, hein, d'ailleurs en unifiant le peuple, en faisant une catégorie qu'on ne discute pas beaucoup, en fait. Voilà un petit peu les trois pistes que je voulais ouvrir. Mais ce que je vous propose, c'est donc prendre tout de suite d'autres questions pour que tu puisses après rassembler, voir comment tu réponds, comment tu souhaites répondre. Mais mon livre, il va bien au-delà de 48. Hein. Oui, oui, oui, bien sûr. J'aborde justement les années 84. Bien sûr, bien sûr. Il y a un micro de la commune, de la commune aussi. Vous avez évoqué... Ça marche ? Oui. Vous avez évoqué Zola. C'est bien ce que vous avez fait. Il a aussi écrit « La bête humaine ». Alors, pourquoi je parle de « La bête humaine » à cause du titre. Donc, premier point, Olympe de Gouges, en 1791, a réussi un texte magnifique sur le droit des femmes. Et surtout, à la Convention nationale, elle a fait un discours qui me paraît très bien. La femme, comme l'homme, peut monter sur l'échafaud, se faire couper la tête. Donc la femme, comme l'homme, doit avoir des droits pleins et entiers de citoyenne. Je passe quelque temps. Engels arrive, conseille Marx sur certains points et écrit des beaux ouvrages, mais un peu complexes. Mais qu'est-ce qu'écrit Engels sur la famille, l'origine de la famille et sur... la condition de la femme dans nos sociétés capitalistes ou pré-capitalistes, il reprend une formule qui n'est pas de lui, qui n'a jamais été inventée par lui, écrite par une grande dame, exploratrice, aventurière, la grand-mère de Gauguin, qui s'appelle Flora Tristan. Et qu'est-ce qu'elle a écrit, Flora Tristan ? Une phrase superbe. La femme est le prolétaire du prolétaire. C'est pour ça que j'apprécie la référence à Zola. Donc, on voit bien que la question des luttes des femmes, individuelles ou groupées, ou quelles que soient, sur la démocratie, sur les droits personnels, etc., sont déjà des questions très anciennes et qui ont avancé vraiment extrêmement lentement, sauf depuis une quarantaine d'années. Voilà, c'est tout. Qu'on prenne une autre question. On peut peut-être en prendre plusieurs parce que comme ça permet après de répondre globalement, non? Oui, mais oui. C'est peut-être pas pour répondre. Ou répondre, ou échanger. Si vous êtes d'accord, je réponds sur tout ça. J'ai d'autres citations. Là, je voulais citer une citation sur le Flora Tristan, mais délibérément, j'ai choisi, si vous voulez, de ne pas aborder de ne pas citer simplement le nom des femmes qui sont ultra connues. Olympe de Gouges, c'est la seule qui a obtenu le droit, si je puis dire, d'être dans les manuels scolaires. On a complètement oublié qui était Wollstonecraft. Et Wollstonecraft a répondu à Burke. Alors, c'est pas l'une qui est plus importante que l'autre. Il fallait que je fasse une tri. Mais on connaît davantage Olympe de Gouges que Wollstonecraft. Donc voilà, c'est un tri. Et pour Flora Tristan, j'avais une autre citation encore plus belle que celle que vous avez. Mais Flora Tristan, c'est un puits sans fond. Si vous voulez, on parle des femmes, mais... Alors, des interventions pas trop longues pour que tout le monde puisse parler. C'est juste une... Merci pour ces interventions, effectivement, et qui font écho, par exemple, à d'autres thématiques qui ont lieu dans le cadre du Forum sur la démocratie. Ce matin, j'étais, il y en a d'autres ici aussi, sur le débat sur des manifestations au mouvement des places. Et la question que je voulais vous poser, parce que, voilà, c'est... Moi, ce que j'ai compris de la thématique qui sortait de ce débat, c'est de dire effectivement qu'il y avait une vague mondiale qui aspire à autre chose, qui aspire à un autre imaginaire, qui se confronte, cette vague mondiale. Alors ça va depuis... il y a eu le mouvement des places, les indignés, mais il y a eu aussi la Syrie, les révolutions arabes, etc. Bon, je fais court. Et que cette aspiration, c'est une aspiration à la liberté, c'est une aspiration à la démocratie, c'est une aspiration à l'égalité, mais qui est confrontée à une riposte des dominants terrible. Et donc, je voulais voir si vous, ce que vous pensiez de cette approche-là, de cette problématique-là, parce qu'elle ne répond pas à un problème qui est abordé. Ce matin, il a été évacué, Là, il est à peine abordé par Sophie Béraud, et je pense qu'on ne va pas aller très loin parce qu'on n'a pas le temps. Mais on sent bien qu'il y a une aspiration au rejet de toutes les formes partidaires du XXe siècle, c'est ce que développait un des intervenants, qui étaient des formes hiérarchisées, qui finalement ont entraîné qu'à un moment donné, que ce soit l'expérience soviétique ou que ce soit l'expérience entre guillemets démocratique, ce qui domine à un moment donné, c'est que les mouvements sociaux, lorsqu'il y a des bouleversements, y compris révolutionnaires, qui posent les questions de la démocratie réelle, l'égalité réelle, la fraternité réelle, finalement, ils sont écrasés, ils ont été écrasés au XXe siècle par des formes hiérarchiques, quelles que soient les idéologies de droite ou de gauche. Et donc, est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette question du rejet des partis, c'est une vraie question qu'il faut aborder, mais avec un problème? Benjamin, il parle des révolutions qui se parlent, des vaincus, le dialogue des vaincus pour porter toujours l'idée, etc., de liberté, d'égalité. Mais le rôle des partis, ou en tout cas des formes partis, ça a été au XXe siècle une continuité, un imaginaire, un idéal, et le temps long. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'a frappé, c'est que ce qu'expliquaient les orateurs, c'est de dire ce mouvement des places, il surgit sur des choses soit très précises, par exemple au Brésil, sur l'augmentation des transports, par exemple en Turquie, sur l'aménagement d'une place, et derrière ces choses très précises, c'est des choses immenses, des aspirations à ce qu'on dit, à la liberté, etc. Mais ça retombe très vite. Et donc, comment on règle la question du dépassement des partis pour que le temps long, la culture qui se construit de nouvelle émancipation sur le temps long, comment on fait pour y travailler? Je terminerai par la dernière question. Pour la question des femmes, Flora Tristan, Olympe de Gouges, et en même temps pour répondre à Sophie sur les mouvements, avec ce que ça implique, qui a aidé, etc. etc. Si j'ai privilégié les collectifs 1830-1848, c'est parce que, exactement comme maintenant, les organisations essaye de mettre en quelque sorte une ombre, un doute, en expliquant que ces mouvements des places, que ces mouvements spontanés, c'est sans fin et c'est sans fond et qu'il n'y a aucune possibilité d'aboutir. On les traite pas simplement d'utopiques, mais de battleurs en quelque sorte. Eh bien, il est arrivé la même chose aux femmes. Le mouvement ouvrier, globalement, a reconnu l'extrême importance de Flora Tristan. Flora Tristan, elle n'a jamais été oubliée. On sait que Flora Tristan a conçu la première, l'Union ouvrière. Projet extraordinaire, projet totalement fou d'une certaine manière et plus qu'utopique, et c'est dans ce sens que vous avez raison, mais projet solitaire. Il n'empêche, dans la mesure, comme Olympe de Gouges, Olympe de Gouges n'avait pas grand-chose à voir, ou presque, avec les républicaines révolutionnaires, Claire Lacombe. On va se souvenir de Olympe de Gouges, des mots d'Olympe de Gouges, de ce courage extraordinaire, parce qu'en plus, Olympe de Gouges, outre sa déclaration des droits de la femme, elle était aussi écrivaine, elle a aussi œuvré pour la libération et l'émancipation des Noirs, autant que Condorcet, etc., etc. Donc, elle a derrière elle une œuvre considérable, mais on aime bien les gens qui sont solitaires, ce sont des gens exceptionnels. Dès l'instant où il y a un mouvement, on ne va plus s'en souvenir. Les Saint-Simoniennes. Tu m'as dit dans ta question, je ne te soupçonne absolument pas de laisser croire que les Saint-Simoniens étaient en quelque sorte les pionniers de la femme libre. Il n'empêche qu'on se souvient des Saint-Simoniens. Les Saint-Simoniens, c'est vraiment les artisans de la révolution industrielle, les artisans de la philosophie des progrès, c'est eux qui ont été à l'origine des banques, enfin tout ce que vous voulez. Vous aviez ici un certain nombre de gens extrêmement connus, Arlès Dufour, enfin des Lyonnais authentiques, saint-simoniens, ces mêmes saint-simoniens regardaient les canuts avec scepticisme. Ils n'ont pas compris ce qui s'était passé en 31. Ils ne voulaient pas tellement. Hein. Donc, là, on est en train en ce moment de publier les œuvres complètes, si je puis dire, des femmes saint-simoniennes, puisqu'on est en train de préparer une anthologie des femmes saint-simoniennes. On s'est rendu compte en travaillant, on travaille de ça depuis déjà un certain temps, on s'est rendu compte avec, moi j'ai dit avec bonheur, c'est que les saint-simoniens, les premiers, ont compris, on était dans une période absolument déserte sur le plan religieux. Mais déserte. Dieu était mort pour tout le monde, ou presque. On dit que la monarchie de Juillet, c'est la première du point de vue laïque. Enfin bref, ils sont presque athées. Dieu, la mère de Guizot, a inventé pour l'élever un catéchisme. Enfin, l'Église catholique est dans une situation absolument catastrophique. Les saint-simoniens, les premiers, dans les années 30, comprennent que si Dieu est mort, enfin, ils ne disent pas ça comme ça, bien sûr, hein. Nietzsche n'existait pas encore. Enfin, bref, il n'avait pas encore pensé à la mort de Dieu. Mais tous les contemporains imaginaient que Dieu était une créature, enfin, une création humaine. Donc, les saint-simoniens comprennent que si Dieu est une créature, une création humaine, il est impossible, comme le disait justement un de mes étudiants, il est impossible de ne pas croire. Donc, le rôle de la femme va être considérable. Et dans un texte qui précède justement l'appel à la femme libre, on s'est aperçu là tout récemment un texte remarquable d'Enfantin où on s'aperçoit qu'il va faire jouer à la femme un rôle séculier dans la religion saint-simonienne. C'est-à-dire que il invente une nouvelle religion, rendez-vous compte que les saint-simoniens vont abolir en quelque sorte le péché originel. On croirait que c'est une folie utopique. À cette époque-là, non, pas du tout. Hein. On essaye de repenser la religion parce que ça ne tient pas, etc., etc. Et l'Église va ensuite, l'Église réelle, va comprendre l'importance du rôle des femmes. Donc, ils vont inventer l'Immaculée Conception, la Vierge, etc., etc. Les femmes vont être sécularisées au service de la médiation entre l'homme et Dieu. Alors Dieu est peut-être mort, mais il va y avoir cette médiation. Eh bien, la femme libre, elle naît dans ce contexte. À un moment, les saint-simoniens, qui avaient une popularité extraordinaire, donc décident de faire appel à la femme libre, un numéro du Globe fabuleux, appel à la femme libre, elle doit s'émanciper, la parole doit être prise par les femmes. Eh bien, les prolétaires saint-simoniennes ont pris ça au mot. Elles ont édité un journal qui s'appelait d'abord La Femme Libre, ensuite L'Apostolat des Femmes, etc., etc. Savez-vous que dans ces journaux, on a osé des choses inouïes avant Sartre, si je puis dire. L'une d'entre elles écrit « Par mes œuvres, on saura mon nom ». Vous imaginez ? Elle avait inventé l'existence précède l'essence avant Sartre. Donc, il y a tout ce processus. Une d'entre elles, exactement Flora Tristan, elle est héritière de ça. Elle va expliquer comment se fait-il qu'on est obligé de porter un nom qui n'est pas le nôtre, alors que ce n'est même pas inscrit dans la loi, etc., etc. Elles vont très très loin, y compris sexuellement. Elles expérimentent le pouvoir d'agir libre. Autant vous dire qu'elles l'ont payé cher. Et l'une d'entre elles, Claire Desmarres, dont on a oublié le nom, qui était sans doute lyonnaise, remarquable d'intelligence, remarquable de préscience, décide, si je puis dire, librement de se suicider parce que la liberté n'est pas possible. Elle écrit une parole souverainement révoltante. On a oublié. Ce dont on se souvient, c'est cette continuité chez les saint-simoniens de la révolution industrielle, de ces ingénieurs, élèves ingénieurs qui étaient d'une intelligence exceptionnelle. Et voilà. Et la femme libre, on ne sait plus très bien ce que c'est. Eh bien, la femme libre, c'est ça. Pendant 4 ans, pendant l'émancipation des peuples et des femmes, pendant 4 ans, vous avez des journaux, des manifestes. Il y en a une, Adèle de Saint-Amand, qui va écrire un manifeste pour, effectivement, l'émancipation des femmes. L'émancipation des femmes en 1834. Alors, effectivement, vous avez tous ces éléments-là qui nous donnent un éclairage. Et à la suite, d'une certaine manière, Flora Tristan va écrire un texte magnifique où elle va expliquer que cette catégorie des individus, comment peut-on classer ces individus en catégories qui empêchent en quelque sorte la liberté de penser, hein? Avant même Foucault, j'ai rapproché en général cette phrase de Flora Tristan à Foucault lorsque celui-ci, dans l'ordre du discours, lorsqu'il se présente au Collège de France, remarquable discours qui explique que ce classement des catégories en catégories, pas simplement en classe sociale, en catégories, on va qui aboutit aujourd'hui à des choses atroces, communautarisme, à sectionner, à fragmenter les quartiers avec tout ce que ça implique, eh bien, cette fragmentation est une catastrophe. Flora Tristan avait dénoncé ça, et Foucault va reprendre. Non, je ne pense pas qu'il connaissait Flora Tristan, etc., etc. Donc, d'accord avec vous sur Zola, mais bon, là, on n'a pas à débattre. Et sur Engels, contrairement à ce que vous dites, Engels, dans la famille, c'était un des premiers qui était... Vous avez raison. Mais qui fait référence aux femmes? Absolument personne. Récemment, si je puis dire, à l'échelle de l'histoire, Bourdieu a osé écrire une brochure sur l'émancipation et sur le masculin-féminin. Tout le monde va citer cette brochure. Bourdieu a oublié justement les travaux longs, pénibles, extraordinairement importants d'une intelligence fabuleuse des anthropologues qu'il ne cite pas. Donc, on peut un peu excuser Engels. Parce que Engels, le premier, a saisi l'importance de l'aliénation familiale. Alors, j'ai un petit faible pour ce travail sur la famille d'Engels, autant que sur celui qui être le sien sur la question de la pauvreté. Et donc, effectivement, il entame en quelque sorte, il emboîte le pas à Flora Tristan. Et Flora Tristan est une pionnière dans ce domaine lorsqu'elle va faire une enquête en Angleterre sur la situation des pauvres. Et donc, tout ceci, on va l'oublier parce que ça n'advient pas. Ce que dit Flora Tristan, ce que disent les femmes libres de 1830, enfin, entre parenthèses, libres, non seulement ça n'advient pas, mais elles vont être elles-mêmes convaincues qu'elles ont osé quelque chose qui est inatteignable. Les mêmes personnes qui ont 20, 30 ans, 30, les mêmes en 48, ce sont les mêmes. Elles se penchent sur les années 30. Elles ne veulent rien avoir avec les années 30 parce qu'elles ont osé des choses inouïes. Tous les LGBT aujourd'hui seraient étonnés de découvrir à quel point la liberté sexuelle ou la liberté d'être, pas la liberté sexuelle, la liberté d'être, d'exprimer leur point de vue était grande en 1830. On redécouvre aujourd'hui ça. Mais c'est un moment extraordinaire. Donc, chape de plomb parce que ce n'est pas advenu. On oublie ça. Et on oublie ça. Alors, Louise Michel, c'est pareil. Moi, je privilégie Louise Michel. Les anards l'ont reconnue, c'est la porte-drapeau du libertaire. Louise Michel avait dit pendant la Commune cette bête question du féminisme. André Léo a écrit des choses magnifiques, s'en est pris aux communards en leur disant « Vous avez peut-être fait des miracles, mais vous avez oublié l'essentiel, c'est-à-dire le droit des femmes. » Exactement comme les résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a oublié tout, raison pour laquelle le droit de vote des femmes était pour les historiens un non-événement en 1944 parce que les femmes, pendant la résistance, ont œuvré beaucoup en faveur de la cause commune, mais elles ont oublié leur propre cause. Et immédiatement après les droits politiques en 1944, eh bien, l'ordre dans la République s'est reconstitué. Les femmes n'avaient pratiquement pas la possibilité d'être candidates, bien qu'elles en aient le droit. Raison pour laquelle on a inventé un nouveau mot, parce que le mot égalité n'est pas possible dans le système actuel. Et donc, on a inventé la parité, même la parité en 2000, ou qui a été effectivement votée à l'unanimité ou presque. Quand j'ai écrit mon histoire du féminisme, j'ai mis un temps fou pour retrouver exactement qui étaient les abstentions et qui étaient les votes contre. Bon, on ne savait pas exactement. Même avec la parité, les femmes sont aussi peu représentées. Et que dire des pauvres? Et que dire des immigrés? Et que dire des gens étrangers? L'autre, dans ce système et dans cette République, est impossible. L'autre est inintégré. Et donc, c'est une reproduction du même en permanence. Raison pour laquelle, dans les partis politiques, vous avez tout à fait raison, dans les partis politiques, pour être entendu. Rappelez-vous, pour les plus anciens, lorsque le Parti communiste, rendez-vous compte, le Parti communiste avait, pour la première fois, dans les années 20-30, il a même osé présenter des candidates alors qu'il n'y avait même pas de droit politique aux femmes. La radicalité était extrême, sauf en ce qui concerne les mœurs. Il a fallu attendre 1965 pour que le droit à la contraception soit accepté par le Parti communiste. Pourquoi? Pas parce que le Parti communiste était particulièrement réactionnaire. Non, pour être entendu dans le système actuel, il faut parler la même langue. Et pour parler la même langue, il faut la même formation. Pour que les ouvriers puissent être partie prenante du débat parlementaire, il fallait avoir la même éducation. Donc on avait inventé les écoles du parti. On formait. Pour pouvoir dialoguer à égalité. Comment voulez-vous que les partis, aussi ratiocinés soient-ils, aussi non représentatif, aussi critiqué soit-il, baisse la garde. C'est leur vie qui est en cause. Et c'est pourquoi tous ces collectifs, il faudra du temps. Nous avons deux siècles de démocratie dite représentative, mais surtout deux siècles de tradition de délégation de pouvoir. Déléguer son pouvoir, c'est tout simplement, comme le disait très justement Kant, lorsqu'on lui a posé « qu'est-ce que les Lumières ?», il disait « les trois quarts des individus préfèrent la sécurité ». Nous sommes en 1784. Les trois quarts des individus préfèrent la sécurité à la liberté, parce qu'être libre, c'est être responsable. Et donc, cette sécurité, on leur a donnée avec l'État-providence. On a donné la sécurité, on a donné des droits, malgré les droits. Et c'est pour ça que travailler sur les femmes, ça permet de voir ce qui est absolument impossible à intégrer. Même avec la parité, sachez que 1946, la Constitution de 1946 a permis de penser l'égalité. C'est dans la loi. En 1946, il y a égalité des droits entre les hommes et les femmes. En 2000, il faut la parité pour que les femmes puissent être représentées, non pas à égalité, mais disons dans une proportion plus grande. Comprenez bien qu'avoir le droit sans pouvoir l'exercer, ben c'est impossible. Pour quelle raison les ouvriers ne sont pas candidats aux élections, les ouvriers, enfin ce qu'il en reste, ceux qui sont chômeurs ou RSA, comment voulez-vous, ils passent les trois quarts de leur temps à chercher du travail ou à travailler, comme le disait admirablement bien Tocqueville, on ne peut pas éduquer les aristocrates et les bourgeois au même titre que les prolétaires, que le peuple, parce que le peuple travaille. Et donc, il n'a pas de temps. Et les femmes, elles ont encore 70% des tâches ménagères à leur disposition, si je puis dire. Donc, elles n'ont pas le temps, quelle que soit la loi, aussi radicale et aussi punitive soit-elle, elles ne pourront pas être représentées à l'Assemblée dans le système actuel. Donc tout est à inventer. Alors monsieur, je suis non pas pessimiste, mais aussi sceptique que vous. Il faudra du temps pour qu'il y ait coordination de tous ces mouvements. Mais ces mouvements, il faut qu'ils ne soient pas à l'extérieur du quotidien. Il faut de plus en plus les intégrer au quotidien du travail, au quotidien des habitats. Et du même coup, ça permettra justement de devenir incontournable. Mêler la critique politique, l'espace public et la vie quotidienne. Et ça, je crois que ça sera peut-être la solution, mais pas tout de suite. Ça ne peut pas. 200 ans de délégation de pouvoir, 200 ans de droits. Hein ? On réclame des droits, on s'adresse à la mairie, on s'adresse effectivement à l'Assemblée. Et qu'est-ce qu'ils font ? Et les candidats, hein ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'il fait Macron ? Etc., etc. Ben Macron, il fera ce que la finance fera, mais Mélenchon fera ce que la finance fera dans ce système actuel. Il n'est pas plus royaliste que le roi, si je puis dire, plus républicain que le roi, aussi chevènementiste soit-il et aussi nationaliste soit-il. Non. Il y a incontestablement un besoin que les gens se sentent responsables. Mais reprendre ses droits après 200 ans de méconnaissance et d'illusion, il faut récupérer justement le passé par miettes, par fragments, parce que ce passé a été considéré comme utopique. Désolé de terminer par une profession de foi politique, mais je l'ai dit. Désormais, le passé, pour moi, doit être récupéré par remémoration pour qu'on puisse franchir l'obstacle actuel du dépassement des idéologies, du dépassement de la chape de plomb idéologique et aussi de cette évidence certitude qui nous fait impuissants parce que tout le monde nous dit on ne peut pas faire autrement. Fukuyama a raison, c'est la fin de l'histoire, le libéralisme va triompher. Et donc, que ce libéralisme soit plus financier que l'autre, on ne peut pas faire autrement. Donc, j'ai décidé de penser l'histoire dans son mouvement à l'œuvre et pas en négligeant, en démontant le sens de l'histoire. C'est ce que j'ai fait dans mon livre. Parce que le sens de l'histoire, c'est pas l'histoire. C'est pas en suivant le sens de l'histoire qu'on apprend ce qui s'est passé, mais c'est en restituant, en se remémorant le mouvement de l'histoire dans l'historicité de sa production, qu'on peut comprendre effectivement ce que les mots veulent dire, qu'on a perdu. Alors, c'est délibéré, bon, ma profession de foi politique, mes professions critiques, je vous promets rien, d'abord, rassurez-vous, je ne suis absolument pas candidate. Mais candidate à la citoyenneté, oui. Alors peut-être, puisqu'il nous reste juste 5 minutes, je voulais prendre le temps d'évoquer, tu as, dans ton propos, tu as invité à, finalement, les citoyens à se saisir de ces questions. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, hein, pourquoi pas se saisir de questions, en discuter ici maintenant. Et c'est un peu ce qu'on a fait dans le cadre de l'atelier qui était lié à l'Université populaire et qui a été mis en place par la bibliothèque municipale. On s'est dit, on a voulu réfléchir à la démocratie au travail, la démocratie du travail, en partant en fait d'un constat, hein, que la démocratisation s'était arrêtée aux portes des entreprises, hein, que l'entreprise est le lieu de travail, le lieu d'un pouvoir souverain, unilatéral, et en essayant de réfléchir un petit peu à ce qu'on pourrait faire, tout en ayant l'idée qu'on pouvait essayer de mettre un peu le pied dans la porte pour essayer de réfléchir à la construction de droits. Surtout, ce qui était porté par l'atelier, c'était l'idée de rendre le travail émancipateur. Comment, hein, revenir sur cette question de l'émancipation, comment le travail pourrait être de nouveau émancipateur, hein. On n'a pas beaucoup de temps, mais est-ce que ceux qui étaient dans l'atelier ont envie de dire quelques mots pour, on n'aura pas le temps de présenter les propositions, mais juste sur la démarche, sur ce que vous avez retrouvé dans cet atelier. Est-ce que vous voulez réagir et dire quelques mots simplement sur ce qui a été fait? Si, quand même, allez-y. Oui, juste pour dire que c'était très intéressant et qu'on ne peut pas débattre sans apprendre et sans comprendre quelque chose. Et je trouvais très intéressant l'aspect bibliothèque, l'aspect cabinet de lecture, discussion entre nous de différents concepts qui ne sont pas évidents comme ça et qu'on balaye. Et les mots ne sont pas toujours justes, ils ne sont pas toujours compris, ont un contexte, etc. Et voilà, donc merci pour ça. Après, c'était un bel exercice, voilà. À la fois échanger sur des lectures, sur des textes critiques, et aussi écrire, en fait, essayer de mettre en des propositions, en discuter de propositions, de se mettre d'accord sur des propositions. Donc, qui renvoyait, hein, aux finalités que se donnent les entreprises, aux usages des profits, à la façon de contrôler ces profits et à l'inscription aussi des entreprises dans la société, hein, et au fait que les citoyens puissent aussi demander à ce qu'ils rendent des comptes, hein, ce que les entreprises rendent des comptes sur ce qu'elles font, sur l'usage qu'elles font des richesses, sur comment elles produisent, sur pourquoi elles produisent, quelles finalités elles se donnent, et aussi réfléchir un petit peu à comment on saisit comment on élargit finalement, enfin comment on... Alors il y a trois axes, hein, qui ont été privilégiés, la question de l'organisation du travail, du rapport individuel et collectif au travail, la représentation des salariés sur le lieu de travail, et puis la question bien sûr de la propriété des entreprises, et du contrôle sur ces entreprises. Mais à chaque fois avec cette idée, hein, effectivement, de comment on remet cette question de l'émancipation au cœur de notre société, c'est-à-dire aussi dans le lieu de travail en fait. Parce qu'on a tendance parfois à l'oublier en fait, et considérer que les entreprises, bah, finalement, hein, c'est voilà, des actionnaires qui décident, on ne peut rien faire. Donc comment on reprend cette question qui a été largement investi, et justement, revenir sur l'histoire nous aide à cela, en fait. On va pas... Je ne sais pas s'il y a un poster qui a été finalement fait. Ouais. Oui, vous pouvez trouver sur la place les différents posters. Et donc, il y a un poster, y a un poster sur cet atelier, comme des posters sur différents... tout ce qui s'est fait pendant les quatre... Pas tout, mais certaines choses qui se sont faites pendant les quatre mois pendant lesquels on a essayé de réfléchir sur cette question de la démocratie. Donc, sur la place, vous pouvez trouver ces posters aussi. On nous dit qu'il faut qu'on laisse la place à la prochaine conférence. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Un très grand merci à Michel Rieu-Sarcey.